Normalement, les comédies françaises, c'est pas trop mon truc. Mais il y a une exception. Les films de Louis de Funès en duo. Pas Les Gendarmes qui m'insupportent, mais La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs ou même La Soupe aux Choux font partie de mes petits classiques. Mais mon grand classique, celui que je regarde au moins 2 fois par an, c'est L'Aigle ou la Cuisse. Et pourtant, Coluche ne compte pas parmi mes acteurs favoris. Bien loin derrière Bourvil qui a toute ma sympathie. Mais force est de reconnaître que le duo père-fils qu'il forme avec de Funès est épatant. C'est d'ailleurs le ciment du film. Tant l'alchimie entre le petit vieux nerveux et son grand fils timide est parfaite. Bien sûr, un bon film repose aussi sur un antagoniste de qualité. Et Julien Guillaumard est époustouflant en industriel, véreux et sans scrupules. Le scénario est évidemment l'avenant, avec son histoire d'espionnage industriel et le combat grande gastronomie contre bouffe industrielle. Mais il faut bien admettre que ça tient plus de l'accumulation de sketchs que de la nouvelle vague. Franchement, c'est pas plus mal. Autre point fort, la musique. Affreusement datée. Et pourtant très agréable pour un verre d'oreille. Le pire dans tout ça, c'est que ce qui était complètement fantasque à l'époque ne l'est plus tant que ça.